بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Toujours dans la traduction de l'explication de l'Um'at al-I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rashad de l'imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah et une explication de Cheikh Salih Ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Durant le cours dernier, on avait continué à expliquer et à énumérer les sectes en islam. On a parlé entre autres de Ar-Rafida, de Al-Jahmiya, et on a commencé à parler également de Al-Khawarij, de ceux qui sont sortis contre Ali radiallahu ta'ala anhu. ثم قال شيخ الفوزان حفظه الله ومذهب أهل السنة أن مرتكب الكبيرة من المسلمين يكون فاسقا ناقص الإيمان ولا يكون كافرا هذا هو المذهب الحق فهم جمعوا بين جريمتين الجريمة الأولى الخروج عن ولاة الأمور واعتبار أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو المنكر بعينه وليس هو معروفا والناحية الثانية تكفير العصاة من هذه الأمة المحمدية وبموجب ذلك حكموا على أنفسهم بالكفر حكموا على أنفسهم هم بالكفر والخلود في النار لأنهم أيضا لا يسلمون من الكبائر وخروجهم على ولي الأمر أليس هو من الكبائر أيضا ألا يحصل منهم معاص ألا يحصل منهم مخالفات فمعنى هذا أنهم حكموا على أنفسهم بالكفر والخلود في النار والعياذ بالله هؤلاء هم الخوارج. Donc Cheikh Fawzan, hafidahullah, après avoir expliqué l'égarement de l'Khawarij, entre autres, qu'ils considèrent que ceux qui accomplissent parmi les musulmans des grands péchés, eh bien, cela les fait sortir de l'islam. Et Cheikh Fawzan dit que la voix des gens de la sunna est que celui qui commet un grand péché parmi les musulmans, il devient pervers, que sa foi diminue et que sa foi est basse, mais il ne sort pas de l'enceinte de l'islam et il ne devient pas mécréant. Cela est la voix de la vérité. Quant à Al-Khawarij, ils ont réuni entre deux mots, ils ont réuni entre deux égarements, ou entre deux crimes, si on veut traduire textuellement le terme qu'a utilisé Cheikh Al-Fawzan. Le premier crime, c'est de se soulever contre les gouverneurs et de considérer ce soulèvement comme ordonner le bien, comme un ordonnement du bien et une interdiction du mal. Or, cela est le mal en soi et ce n'est en aucun cas un bien, c'est-à-dire de se soulever contre le gouverneur. Et le deuxième crime qu'ils ont commis, c'est le fait de considérer non-musulmans les pécheurs de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de surcroît, en considérant ceux qui commettent des péchés comme des non-musulmans, eh bien, ils se sont jugés eux-mêmes comme étant non-musulmans et comme étant éternellement en enfer, car eux également ne sont pas épargnés des grands péchés. Et le fait qu'ils se soulèvent contre le gouverneur, cela n'est-il pas un grand péché? Également, ne font-ils pas des désobéissances? Ne font-ils pas des choses interdites? Cela revient à ce qu'eux-mêmes, jugent leur propre personne comme étant non musulmane et éternellement en enfer, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Ceux-ci sont Al-Khawarij. فكل من ذهب هذا المذهب وهو شق العصا والخروج على أئمة المسلمين أو كفر عصاة المسلمين بالكبائر التي دون الشرك فإنه من الخوارج في أي زمان وفي أي مكان. Ainsi, celui qui suit cette voie, à savoir de ne pas obéir et de ne pas être sous l'autorité du gouverneur, et de se soulever contre les gouverneurs musulmans, ou de considérer non musulmans ceux parmi les musulmans qui commettent des péchés autres que le polythéisme, eh bien, il fait partie des khawarij, quelle que soit l'époque et quel que soit l'endroit. ثم قال الإمام ابن قدامة رحمه الله والقدرية. الإمام ابن قدامة رحمه الله continue à énumérer, après avoir instauré les bases, après avoir défini l'innovation, après avoir donné le vrai du faux en ce qui concerne la bid'ah, il énumère et donne des exemples concrets de sectes musulmanes. Et celle qui cite par la suite est Al-Qadariyah. Wal-Qadariyah. Aqul al-Sheikh al-Fawzan, Al-Imanu bil-Qadar huwa ruknu sadis min arkan al-Iman. Wal-Imanu bi-anna Allah qaddara ma kana wa ma yakunu fi al-Azal. Wa anna Allah kataba kulla shay'in fi al-Lawh al-Mahfuz. Wa anna Allah azza wa jal sha'a wa arada kulla ma yaqa' fi hadha al-Kawni min khayrin wa shar. وكفر وإيمان وطاعة ومعصية وأنه بمشيئة الله وإرادته وأن تؤمن بأن الله خالق كل شيء كما قال تعالى الله خالق كل شيء هذا هو الإيمان بالقدر وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا هو الإيمان بالقدر وهذا منهج أهل السنة والجماعة. Cheikh Fawzan, hafidahullah, dit que la foi au destin est le sixième pilier des piliers de la foi. Et la croyance au destin, c'est-à-dire de croire qu'Allah azawajal a prédestiné ce qui a lieu et ce qui aura lieu, et qu'Allah azawajal a écrit tout cela dans les planches préservées, et qu'Allah Azzawajal a voulu et veut tout ce qui a lieu dans cet univers de bien comme de mal, de mécréance comme de foi, d'obéissance comme de désobéissance, et que tout cela a lieu par la volonté d'Allah, et de croire qu'Allah Azzawajal a créé toute chose, comme il l'a dit Azza wa Jal, Allah a créé toute chose, surat al-Ra'd, le tonnerre, verset 16. Ceci est la foi en la prédestination, et de savoir que ce qui t'a touché ne pouvait t'éviter, et ce que tu as évité, ou ce qui t'a évité, ne pouvait te toucher. Ceci est la foi en la prédestination. Et ceci est la voix des gens de la Sunna. On avait expliqué, notamment dans l'explication de ce livre, la foi en la prédestination, et que tout ce qui a lieu dans cet univers, comme bien ou comme mal, a lieu par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça a besoin d'explication, de répéter ce qu'on avait déjà dit, ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Le fait qu'Allah veuille la mécréance et la foi, qu'il veuille le bien et le mal, tout ça c'est clair. Il faut expliquer qu'il y a deux sortes de volonté, et qu'il y a al-iradatu al-kawniyah et al-iradatu al-shar'iyah. Allah Azzawajal veut, par la volonté universelle, qu'il y ait du bien et du mal dans cet univers, et qu'il y ait la mécréance et la croyance et la foi, qu'il y ait le shirk et le tawhid. Allah Azzawajal le veut par sa volonté universelle. Est-ce que cela veut dire qu'Allah Azzawajal aime la mécréance? Non, car Allah Azzawajal déteste la mécréance. Wala yarda li'ibadihi Al-Kufr, et il n'aime pas pour ses serviteurs la mécréance. Mais Allah Azza wa Jal veut par sa volonté juridique que l'on l'adore et que l'on ne lui associe personne. Donc il y a cette volonté universelle, à savoir que quoi, quelle que soit la chose qui a lieu dans cet univers, elle ne peut avoir lieu que par la volonté d'Allah. Pourquoi ? Car rien n'échappe au contrôle d'Allah. Rien n'échappe au règne d'Allah. Tout ce qui a lieu, comme bien ou comme mal, a lieu obligatoirement après l'autorisation d'Allah. Mais Allah Azzawajal veut de toi que tu sois pieux, veut de toi que tu sois musulman, et il ne veut pas que tu sois non-musulman. Il veut que tu lui obéisses, mais il ne veut pas que tu lui désobéisses par sa volonté juridique. Il faut donc bien prendre en compte ce point. هناك فرقتان تخالفان مذهب أهل السنة والجماعة في أمر القدر. الفرقة الأولى غلت في إثبات القدر ونفت قدرة العبد ومشيئته وإرادته وأنه يعمل بدون مشيئة ولا قدرة ولا إرادة وإنما هو مجبر على أعماله ليس فيها اختيار. هؤلاء يقال لهم الجبرية. غلوا في إثبات القدر ونفوا إرادة العبد ومشيئة العبد. Deux sectes ont contredit la voix des gens de la Sunna concernant la prédestination. La première secte a abusé dans le destin et a nié au serviteur ou à l'être humain toute volonté et que tout ce qu'il fait, il le fait sans le vouloir. Il le fait en étant poussé à le faire et qu'il est télécommandé, qu'il est forcé à faire tout ce qu'il fait. Et cette secte s'appelle Al-Jabriya, qui vient du mot Jabr, qui signifie imposer, qui signifie forcer. Autrement dit, pour eux, l'être humain, c'est comme une poupée que l'on manie à droite, à gauche. C'est comme une plume au milieu des vents qui se déplace à droite et à gauche au gré de ces vents. Et la deuxième secte, والفرقة الثانية القدرية النفاه الذين غلوا في إثبات قدرة العبد واختيار العبد ومشيئة العبد ونفوا مشيئة الله ونفوا تقدير الله لأفعال العباد وخلقه لها. هؤلاء غلوا في جانب وهؤلاء غلوا في جانب. هؤلاء غلوا في إثبات مشيئة الله وإرادته حتى نفوا مشيئة العبد وهؤلاء غلوا في إثبات مشيئة العبد ونفوا مشيئة الله وإرادة الله وهؤلاء هم القدرية بفرقتيهم الغلاة والنفاه. La deuxième secte est Al-Qadariya, Al-Nufah, ceux qui ont abusé dans la volonté de l'être humain et dans la décision de celui-ci. Ils ont abusé au point qu'ils ont nié toute volonté à Allah subhanahu wa ta'ala et toute prédestination et toute création d'Allah aux œuvres. Pour eux, l'être humain et a le total contrôle. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, sans qu'Allah Azza wa Jal n'ait une quelconque volonté. Ainsi, les premiers ont abusé et ont fait de l'excès dans la volonté d'Allah en ne donnant aucune part à qui ? À l'être humain. Et les autres ont abusé dans la volonté de l'être humain, au point de n'avoir rien donné à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont donc dans les deux extrêmes. Ils sont donc dans les deux extrêmes et contredisent la voie droite qui est toujours la voie du milieu. Et vous verrez que dans la plupart des choses, la meilleure est celle qui est au milieu. Dans les fruits, par exemple, l'endroit le plus sucré et l'endroit le plus apprécié des gens, c'est... Tu ouvres une pastèque. Est-ce que tu vas manger les côtés ou le milieu ? Le milieu. Ainsi, Allah Azza wa Jal a nommé la communauté de Muhammad Ummatan Wasata. C'est la communauté du juste milieu. Et c'est la meilleure des communautés. La communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des communautés. ثم قال الشيخ الفوزان ومذهب أهل السنة والجماعة معلوم وهو إثبات القدر وأن لله مشيئة وإرادة وأن كل شيء بمشيئة الله وإرادته وأن للعبد مشيئة وله إرادة وله اختيار يثاب عليه أو يعاقب هذا مذهب أهل السنة والجماعة ومن خالفهم يقال لهم القدرية لأنهم خالفوا في القدر. Quant à la voie des gens de la Sunna, eh bien, elle est claire et évidente, à savoir qu'ils attestent la prédestination et qu'Allah Azzawajal a une volonté et que tout ce qui a lieu par la volonté d'Allah Azzawajal et que le serviteur a lui aussi une volonté, a lui aussi un libre choix et c'est par rapport au choix qu'il aura fait qu'il sera soit récompensé, soit châtié. Si la personne était télécommandée et qu'elle n'avait aucun libre choix, ne serait-ce pas une injustice de le châtier s'il faisait du mal contre son gré ou sans en avoir eu le choix ou sans en avoir fait ni le choix, cela aurait été une injustice. Donc Allah Azza wa Jalla a donné à l'être humain une volonté qui lui permet de faire les bons choix ou les mauvais. Mais Allah Azza wa Jalla lui a expliqué quel est le bon choix à faire et quel est le mauvais choix à éviter. Ce maqal, l'imam Ibn Qudamah rahimahullah, wal-murji'ah, et l'autre secte, al-murji'ah. يقول الشيخ الفوزان الإرجاء هو التأخير تقول أرجأت الشيء بمعنى أخرته أرجأت الشيء بمعنى أخرته ولما استشار فرعون ملأه في موسى وقومه قالوا أرجه وأخاه يعني أخر شأنه إلى أن تنتظر وتأتي بالسحرة وتجعلهم يناظرونه أمام الناس لأمر أراده الله ظنوا أنهم سيتغلبون على موسى إذا جاءوا بالسحرة الذين عندهم وموسى ساحر مع سيتغلبون عليه قالوا بأن موسى ساحر سيتغلبون عليه الله عكس هذا أراد أن يبين أن موسى جاء من عند الله وأن ما معه معجزة من الله لا يقابلها السحر ولهذا في هذا المشهد العظيم ظهر بطلان السحر وتاب السحرة وخروا سجدا لله لأنهم عرفوا أن ما مع موسى حق لأنهم أصحاب فن وأصحاب خبرة وأصحاب معرفة بالسحر عرفوا أن ما مع موسى ليس من صنع البشر وإنما هو معجزة من الله سبحانه وتعالى وآية على صدقه فآمنوا به الشاهد من قوله أرجه وأخاه يعني أخره حتى تحصل المناظرة ويريدون إبطال ما معه أمام الناس هذا هو الإرجاء. Qu'est-ce que l'irja'? On entend beaucoup al-murji'ah. Qu'est-ce que l'irja'? L'irja', comme le dit Cheikh Al-Fawzan, c'est le fait de retarder, de faire reculer. Tu dis arja'tu shay bima'na akhartu. C'est-à-dire tu as retardé une chose. Et lorsque Pharaon a sollicité sa cavalerie et ses proches dans le cas ou concernant Moussa alayhi salam ainsi que son peuple, qu'est-ce que l'entourage de Pharaon lui ont dit? Ils lui ont dit fais-le attendre lui et son frère, retarde-le lui et son frère. Qalu arjih wa akha, retarde-le lui et son frère, c'est-à-dire retarde sa venue jusqu'à ce que les sorciers viennent et fait en sorte qu'ils se rencontrent devant les gens Et Allah Azzawajal a voulu que ces personnes, que ces conseillers de Pharaon, pensent que Moussa alayhi salam sera vaincu par les sorciers de Pharaon. Pourquoi? Car il pensait que Moussa alayhi salam était lui-même un sorcier. Et ils ont pensé que la sorcellerie contre la sorcellerie, celui qui avait le plus d'expérience sera le vainqueur. Et d'autant plus, plus les sorciers sont en grande quantité et plus ils auront des chances de vaincre un seul et même sorcier, à savoir Moussa, celui qu'il prétendait être un sorcier. Mais Allah Azzawajal a fait en sorte que ce soit le contraire qui a eu lieu. Et a fait en sorte que Moussa alayhi salam ait le dessus sur ses sorciers. Et a fait en sorte que Moussa alayhi salam soit le vainqueur devant tous ces gens qui étaient appelés à assister à cette rencontre ou à cette confrontation entre Moussa et les sorciers de Pharaon. Et Allah Azzawajal a fait en sorte que Moussa alayhi salam ait pris le dessus. Et lorsque les sorciers de Pharaon ont vu cela, ils se sont repentis. Ils se sont repentis et se sont prosternés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils connaissent la maison. Ils connaissent la sorcellerie. Et ils ont vu de leurs propres yeux que ce que Moussa alayhi salam a produit devant eux ne pouvait être le fruit de la sorcellerie, mais que ce ne pouvait être qu'un miracle provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi Allah Azzawajal a montré par l'intermédiaire de ces miracles que Moussa alayhi salam est son envoyé et que ces preuves sont, ou que ces miracles sont une preuve de la véracité du message qu'il transmet. Pourquoi Cheikh Fawzan a cité ce verset? Pour prouver que Arjih, dans la parole des conseillers de Pharaon, signifie retarde-le. À savoir que l'irja, c'est le fait de retarder. وَالْمُرَادُ بِالْإِرْجَى هُنَا تَأْخِيرُ الْأَعْمَالِ عَنِ الْإِيمَانِ يَقُولُونَ إِنَّ الْأَعْمَالَ لَا تَدْخُلُ فِي الْإِيمَانِ فأخروا الأعمال عن حقيقة الإيمان ومسمى الإيمان فجعلوا الأعمال شيئا والإيمان شيئا آخر وهؤلاء هم المرجئة وهم فرق أربع وهم فرق أربعة. Cheikh Fawzan a commencé par donner l'explication linguistique du mot l'irja, puis il donne la signification du mot irja ou murji'a qu'a utilisé l'imam Ibn Qudama. À savoir qu'il a utilisé le mot Murji'a pour montrer cette secte qui retarde ou qui font reculer ou qui mettent à l'écart les actes de la foi. Et qui disent que les actes n'entrent pas dans la foi. Et qu'on ne peut pas appeler des actes foi. Ils ont donc fait de la foi une chose et des actes une autre chose. Ce sont Al-Murji'a qui se subdivisent en quatre sectes. Al-Firqatu al-Ula al-Jahmiyya. الذين يرون أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب ولو لم يعمل شيئا ولو لم يعتقد ولو لم يصدق ولو لم يقل شيئا فهو مؤمن ما دام يعرف في قلبه وعلى هذا يكون فرعون مؤمنا لأنه يعرف أن ما جاء به موسى حق ولكن يتظاهر بالإنكار من باب العلو والاستكبار والعياذ بالله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فعلى مذهب الجهم والجبرية يكون فرعون مؤمنا لأنه يعرف بالقلب وإبليس يكون مؤمنا عند هؤلاء لأنه يعرف بل صرح ونطق قال ربي بما أغويتني، وقال فبعزتك أثبت لله العزة وحلف بها، فيكون إبليس مؤمنا على مذهب هؤلاء لأنه يعرف، ولا يكفر أحد على وجه الأرض بهذه الطريقة، فهذا مذهب باطل وهذا أقبح الإرجاء. La première faction de l'Murji'ah qui sont Al-Jahmiya, ceux qui considèrent que la foi est la simple reconnaissance du cœur, même si cette personne n'accomplit rien, même s'il ne croit pas, même s'il ne considère pas vrai, même s'il ne prononce rien, c'est un croyant à partir du moment où son cœur sait. Et dans cette optique, ou en suivant cette optique, Pharaon est alors un croyant, car il sait, ou que Pharaon savait que ce qu'avait apporté Moussa alayhi salam était vérité, mais il montrait le refus, il montrait son désaccord à Moussa alayhi salam, et ceci de par son orgueil et de par son caractère hautain. Ainsi Allah Azza wa Jal a dit: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Eux-mêmes y croyaient avec certitude. Selon donc la voix de Al-Jahm, Pharaon est alors un croyant, car il savait par son cœur qu'Allah Azza wa Jal avait envoyé Moussa alayhi salam. Et en suivant cette méthode ou cette façon de penser, Iblis également est un croyant, car il a su, et bien plus encore, il l'a dit. Allah Azza wa Jal, qala Rabbi, oh mon Seigneur. Il a même juré par la puissance d'Allah Azza wa Jal, qala fabi'izzatik, par ta puissance. Il a donc admis qu'Allah Azza wa Jal avait une puissance. Il a même juré par la puissance d'Allah. Ainsi pour eux, Iblis est aussi un croyant, car il a su qu'Allah Azza wa Jal était son Seigneur. En pensant de cette façon, personne sur terre n'est mécréant. Ceci est une voie fausse et c'est la pire des factions de l'Irja, Al-Jahmiya. الفرقة الثانية الذين يرون أن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب يقولون لا تكفي المعرفة لا بد من التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه ولو لم يعمل بجوارحه ما دام مصدقا بقلبه وبرسوله وبدينه فهو مؤمن كامل الإيمان وهذا قول الأشاعرة ومن وافقه من علماء الكلام فالإيمان عندهم مجرد التصديق بالقلب. La deuxième faction de l'Murji'ah, ceux qui disent que la foi c'est le fait de considérer vrai par son cœur. Ils disent, il ne suffit pas de reconnaître seulement, il faut reconnaître et en plus considérer vrai avec son cœur, même s'il ne prononce pas avec sa langue, même s'il n'adore pas avec les membres de son corps. À partir du moment où il considère vrai qu'Allah Azza wa Jal est son Seigneur, et qu'il considère vrai que Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam est son envoyé, et que la religion de l'islam est la religion qu'il faut suivre, eh bien, c'est un croyant qui a une foi complète. Et ceci est la parole de l'Asha'ira et de ceux qui les ont suivis parmi les savants du Kalam, les savants de la parole, ceux qui ont été influencés par la philosophie. Donc, pour l'Asha'ira, la foi c'est quoi? C'est uniquement de considérer vrai par son cœur et non pas de se contenter de reconnaître qui cela est la voix de Al-Jahmiya. والطائفة الثالثة الذين يقولون إن الإيمان مجرد القول ولو لم يعتقد بقلبه، بل إذا نطق بلسانه فهو مؤمن ولو لم يعتقد بقلبه، وهذا قول الكرامية وأتباع محمد بن كرام الذي سيأتي ذكره. La troisième faction de Murji'a, ceux qui disent que la foi c'est uniquement la parole, même si on ne croit pas avec son cœur. Et que s'il dit avec sa langue, eh bien c'est un croyant. S'il dit la ilaha illallah avec sa bouche, même s'il ne croit pas en cette parole par son cœur, et qu'il ne fait pas suivre cela par des actes, alors il est considéré comme un croyant. Et ceci est la parole de la secte appelée Al-Karramiyyah, ceux qui ont suivi Muhammad ibn Karram, que l'on va citer par la suite. والفرقة الرابعة من المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان، أما العمل بالجوارح فهذا ليس من الإيمان، وإنما هو شرط للإيمان أو مكمل للإيمان، ليس هو من حقيقة الإيمان. وهؤلاء يقال لهم مرجئة الفقهاء، لأن عليه كثير من الحنفية على مذهبهم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، أما الأعمال فلا تدخل في حقيقة الإيمان. Et la quatrième faction de l'Murji'a, qui sont ceux qui disent que la foi, c'est de considérer vrai par son cœur, de prononcer par la langue. Quant aux actes, eh bien, ils ne font pas partie de la foi, mais ils complètent celle-ci sans en faire partie. Et ceux-ci sont appelés Murji'atul Fuqaha, car beaucoup de Hanafiya, ceux qui ont suivi Al-Imam Abu Hanifa et non pas Al-Imam Abu Hanifa, eh bien, considèrent que la foi, c'est uniquement la parole avec la langue et c'est la croyance avec le cœur. Quant aux actes, ils ne sont pas considérés comme faisant partie de la foi. إذن نجد أن المرجئة بجميع فرقهم الأربع كلهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وعندهم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وأن إيمان جبريل مثل إيمان أفسق المسلمين لا يزيد بالإيمان ولا ينقص عندهم، بل بعضهم يقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا من فروع مذهبهم الباطل. Donc ces quatre factions de l'Murji'a toutes excluent les actes de la foi. Pour eux, la foi est une chose unique qui n'augmente pas et qui ne diminue pas. Et que la foi de Jibril est exactement la même que la foi du plus pervers des musulmans. Certains d'entre eux ont même dit que la foi n'est pas altérée par la désobéissance comme l'obéissance n'est pas bénéfique quand la personne est mécréante. Vous avez compris ou pas? Ils disent que celui qui est non musulman et qui fait une bonne action, est-ce que cela va lui être profitable? Oui ou non? Non. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Si tu associes, alors tes actes seront abolis. Ils disent, celui qui fait un bien alors qu'il est mécréant, son bien ne lui fera aucun bien. Et celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal, eh bien, cela n'aura aucun impact sur sa foi. Celui qui boit, qui fume, qui fornique, etc., eh bien, quel que soit le péché qu'il va faire, en dehors de la mécréance, eh bien, sa foi ne sera pas altérée, elle ne sera pas blessée, elle ne diminuera pas. ثم قال الشيخ الفوزان أما أهل السنة والجماعة فهم يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فليس إيمان الناس على حد سواء بعضهم أكمل إيمانا من بعض وبعضهم أنقص هذا هو القول الحق الذي يجمع بين الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Quant aux gens de la sunna, ils disent que la foi, ce sont des paroles. C'est la parole avec la langue, c'est la croyance du cœur et c'est les actes des membres du corps. Cette foi augmente à travers ou grâce aux bonnes actions et elle diminue à cause des péchés. Et les gens n'ont pas la même foi. Leur foi diffère. Certains ont une foi plus grande que d'autres, et d'autres ont une foi plus basse que d'autres. C'est la parole véridique, c'est la vérité qui rassemble entre l'ensemble, ou qui rassemble l'ensemble des preuves dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. La foi, c'est donc des paroles, la ilaha illallah, l'ensemble du dhikr, etc., etc. Tout cela fait partie de la foi. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, d'ordonner le bien, d'interdire le mal par sa bouche, fait partie de la foi, de l'iman. De croire avec son cœur fait partie de la foi, et d'accomplir des actes fait aussi partie de la foi. Quelle est la preuve que les actes font partie de la foi? الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأدى عن الطريق. الحديث rapporté par un مسلم où le prophète صلى الله عليه وسلم a dit la foi est considérée ou est constituée de 70 et quelques branches, la plus haute est, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit قول لا إله إلا الله, et la parole la ilaha illallah. Donc là, c'est la parole avec la langue qui fait partie des branches de la foi. C'est la plus haute. Et la plus basse, le professeur Sam a dit, c'est d'enlever des choses nuisibles de la route ou sur la route. Et d'enlever quelque chose, c'est quoi? C'est un acte. Et le professeur Sam a considéré cet acte comme faisant partie de la foi. Et c'est le plus bas degré ou la plus basse branche de la foi. Jeûner, faire la prière, est-ce que ça fait partie de la foi? Quelle est la preuve? وَمَكَانَ اللَّهُ لِيُضِعَ إِمَانَكُمْ. Et Allah ne peut vous blâmer sur votre foi. Et ici, إِمَانَكُمْ, les exégètes du savant ont dit que c'est votre prière. Et on peut aussi utiliser comme preuve que si le fait d'enlever une chose nuisible de la route fait partie de la foi, eh bien la prière en fait partie de surcroît. C'est la voix des gens de la sunna et c'est la vérité qu'il faut croire et qu'il faut appliquer. ثم قال الإمام ابن قدامة رحمه الله والمعتزلة et المعتزلة. والمعتزلة هم الذين ينتسبون إلى واصل بن عطاء شيخهم ورئيسهم وكان في مجلس الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين فسئل الحسن عن مرتكب الكبيرة فقال هو مؤمن ناقص الإيمان فقال واصل بن عطاء أنا لا أقول هو مؤمن ولا أقول كافر أقول هو بمنزلة بين المنزلتين وإن مات ولم يتب فهو كافر مخلد في النار واعتزل مجلس الحسن وانضم إليه طائفة من أتباعه فسموا بالمعتزلة من ذلك الوقت ومذهبهم قريب من مذهب الخوارج في الإيمان يقولون إن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان لكنه لا يدخل في الكفر بل يكون بمنزلة بين منزلتين وإن مات ولم يتب فهو كافر كما يقوله الخوارج وهو مخلد في النار هذا مذهب المعتزلة ومذهبهم في الصفات أيضا ينفون الصفات ويؤولونها إلى غير ذلك من آرائهم الباطلة هؤلاء هم المعتزلة المعتزلة كي s'identifie à Wasil ibn Ata, qui est leur cheikh et leur tête pensante. Et Wasil ibn Ata était ou assistait aux assises de l'Hassan al-Basri, le guide ou le chef des tabi'in, l'imam des tabi'in. Et l'Hassan al-Basri, dans une de ses assises, a été questionné sur celui qui commet un grand péché. Il a répondu, Rahimahullah, c'est un croyant qui a une foi basse. C'est un croyant qui a une foi basse. Et Wasil ibn Ata, qui était présent, a dit, non, je ne dis pas. Il a dit, je ne dis pas que c'est un croyant et je ne dis pas que c'est un mécréant. Je dis, il est dans une place entre les deux. Mais s'il meurt sans se repentir, alors il mourra mécréant et restera éternellement en enfer. Et de ce jour, ou depuis ce jour, il n'a plus assisté aux assises de l'Hassan al-Basri et certains parmi ceux qui les ont suivis, des personnes l'ont suivi, l'ont rejoint, et ils ont été appelés Al-Mu'tazila depuis cette époque. Et leur voix est proche de la voix de l'Khawarij concernant la foi, car ils disent que celui qui commet un grand péché, qu'est-ce que l'Khawarij dit ? Celui qui commet un grand péché, il sort de l'islam. Eux disent non. Il ne sort pas de l'islam, on ne dit pas que c'est un mécréant, on ne dit pas que c'est un croyant, il est entre les deux. Mais s'il meurt sans se repentir, alors il est éternellement en enfer. Cela revient à dire la même chose. Car celui qui meurt en ayant fait un grand péché, il est mort en faisant un grand péché. Donc, la finalité est la même pour Al-Mu'tazila et pour Al-Khawarij, à savoir que celui qui fait un grand péché restera éternellement en enfer. Après de dire que sur terre il est entre les deux situations, cela n'apporte pas de bénéfice vu que la finalité pour cette personne et pour ces deux sectes est la même. Et Al-Mu'tazila, dans les noms et attributs d'Allah Azzawajal, nie tout attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nie tout attribut à Allah subhanahu wa ta'ala et interprète ceci à travers leurs interprétations fausses qui sortent de tout contexte et qui ne rejoignent en rien la vérité. Thumaqal wal karramiyyah. الكرامية أتباع محمد بن كرام وكان يغلو في إثبات الصفات إلى حد التشبيه والتجسيم également الكرامية qui est une secte ceux qui ont suivi محمد بن كرام et il a c'est-à-dire محمد بن كرام tellement abusé dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala au point qu'il a fait ressembler Allah à ses créatures. Et ainsi, l'égarement, les gens sont toujours dans l'un des deux extrêmes. Soit ils nient tout attribut à Allah, ou soit ils abusent dans les attributs d'Allah en les faisant ressembler à ceux de ses créatures. C'est pour cela que l'Imam al-Qayyim, rahimahullah, a dit « Al-mu'attilu ya'budu adama » والمجسم يعبد صنما Celui qui nie tout attribut à Allah, qu'Allah ne voit pas, qu'Allah n'entend pas, qu'Allah ne s'énerve pas, etc., etc. Al-Imam al-Qayyim dit que celui qui nie tout attribut à Allah, eh bien, adore le néant. Il adore rien du tout. Et celui qui abuse dans les attributs d'Allah en les faisant ressembler à ceux de ses créatures, eh bien, il adore une statue. Il adore une statue car il a tellement fait ressembler les attributs d'Allah à ceux de ses créatures qu'il a presque l'image d'Allah devant ses yeux. Wal'iyadu billah. Ainsi, il adore une statue. Car, comme l'ont dit les savants, كُلُّ مَا خَطَرَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ. Tout ce qui traverse ton esprit, Allah n'est pas ainsi. Quelles que soient les imaginations que tu puisses avoir pour essayer d'avoir une image d'Allah, eh bien, cela ne sera pas Allah. Et il est interdit de faire ressembler Allah à ses créatures. Allah ne ressemble à rien, comme il dit subhanahu wa ta'ala, « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ » Rien ne lui ressemble. Et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Ici, Allah Azza wa Jalla a nié toute ressemblance avec ses créatures, mais dans le même verset, il s'est attribué à lui-même, subhanahu wa ta'ala, l'ouïe et la vue. La preuve qu'Allah Azza wa Jalla entend et qu'il voit, mais il n'entend pas et ne voit pas comme ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف والكلابية الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب وهذا عليه غالب الأشاعرة أو كل الأشاعرة اليوم ينفون غالب الصفات ولا يثبتون إلا الصفات السبع أو الأربع عشرة كما يقولون لأنها كما يقولون دل عليها العقل وما عدا لم يدل عليه العقل وإنما دل عليه السمع فقط هذا مذهب الكلابية الكلابية ceux qui ont suivi Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab et c'est une voie suivie par l'ensemble de l'Ash'ari ou la majorité de l'Ash'ari à notre époque qui nie les attributs d'Allah Azza wa Jal et n'en atteste que 7. Certains en attestent 14 et ils disent que ce sont les attributs essentiels qui sont justifiés par la raison. À savoir, ils disent que nous n'attestons à Allah Azza wa Jal que 7 attributs parce que la raison le justifie. Quant à tous les autres attributs, nous ne les attribuons pas à Allah Azza wa Jal. Ils disent par exemple Al-Haya, la vie. La vie est un attribut à Allah car cela est prouvé par la raison. On ne peut adorer quelque chose qui n'est pas vivant. Ils disent Al-Ilm, la science également, etc. etc. Wa nazairuhum. Et ceux qui leur ressemblent. C'est-à-dire à toutes ces sectes. ونظائر هذه الفرق لأنه جاء بنماذج فقط وإلا فالفرق كثيرة وتحدث فرق وتحدث فرق وتتفرع كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا هي أصول الفرق وإلا فتشعباتها وتفرقاتها أكثر من 73 ولكن هذه أصولها في اليوم القدامى رحمه الله دي et celle qui leur ressemble ou similaire c'est-à-dire à ces sectes car Al-Imam Ibn Qudama rahimahullah n'a cité que quelques exemples seulement. Les sectes en islam sont beaucoup plus nombreuses. Elles apparaissent et se subdivisent. Comme l'a dit le professeur sallam, et ma communauté se divisera en 73 sectes, toutes iront en enfer sauf une. Et les savants ont dit que les 72 ou les 73 sectes citées dans ce hadith ce sont les bases, les sectes mères. Et cela ne veut pas dire qu'il n'y a que 73 sectes en islam, mais elles sont beaucoup plus nombreuses car elles se sont subdivisées et elles se sont divisées en branches, ce qui a fait qu'elles dépassent de loin les 73 ou le nombre de 73. Mais lorsque tu réfléchis à la base de toutes ces sectes, eh bien tu verras ou tu te rendras compte qu'il y en aura effectivement 73, comme l'en a informé le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc le cours prochain, inshallah, on terminera l'explication de l'umra d'i'tiqad. On arrive à la fin. Et le prochain livre que l'on fera sera le livre Al-Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wisabi hafidhahu Allah ta'ala. Le livre Al-Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid du Cheikh Abdel Wahhab Mohammed al-Wisabi au Yémen, qui est le Cheikh actuellement le plus respecté et qui a le plus de science au Yémen. Il a fait un livre extrêmement bénéfique dans le Tawhid. À la base, c'était un livre où il avait uniquement cité toutes les preuves dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète Sam sur le Tawhid. Puis, Cheikh Muqbil, rahimahullah, lui a suggéré de faire une explication brève de ces différentes preuves, chose qu'il a faite, hafidhahullah ta'ala. Et il y a beaucoup d'éditions où ce livre a été édité à plusieurs reprises. Celle que j'ai en possession est la 7e, et je ne sais pas si c'est la dernière. À coup de